Chapitre 2. La petite Marie. Le pauvre John Marchmont n'avait donné qu'à contre-cœur son adresse à son ancien élève. Son logement dans Oakley Street se composait d'une misérable chambre sur le derrière, au second étage d'une maison dont le rez-de-chaussée était occupé par une marchande à la toilette. Le gentleman sans fortune, le professeur de mathématiques, l'expéditionnaire, le comparse du théâtre de Drury Lane, avait reculé devant la nécessité de montrer sa pauvreté. Mais la bonne et impérieuse nature de son élève avait détruit une à une toutes ses objections, et en s'éveillant le lendemain de la rencontre à Drury Lane, John Marchmont se souvint avec un certain embarras qu'il allait avoir quelqu'un à déjeuner chez lui. Comment traiterait-il ce jeune écolier élégant et sans gêne qui ne connaissait de la vie que le côté riant et qui avait sans doute l'habitude de déjeuner avec des friandises que John Marchmont n'avait jamais entrevues que dans les superbes étalages de comestibles que pouvaient contempler tous les passants affamés derrière les vitrines des magasins italiens? On lui sert probablement du jambon cuit à l'étuvée dans du madère et des pâtés du Périgord chez sa tante Mostyn, se dit John avec désespoir. Que puis-je lui donner, moi? Mais John Marchmont, comme tous les pauvres, était tout disposé à s'exagérer l'extravagance des riches. S'il avait assisté à la préparation du déjeuner de la famille Mostyn dans la cuisine de Montag Square, il aurait été considérablement soulagé, car il n'aurait bu que des infusions de thé et de café dans des cafetières en argent, il est vrai, quatre petits pains chauds à la française cachés sous une serviette damassée, des fragments triangulaires de pain rôti coupés à un pavé de la veille, quatre frais et environ une demi-livre de jambon extraite d'un morceau de choix. Les veuves qui ont des filles à marier n'abusent pas du crédit chez messieurs Fortnum et Mason. Il aimait les petits pains chauds quand j'étais chez Vernon, se dit John, avec quelque espoir. Qui sait s'il les aime toujours? En réfléchissant de la sorte, M. Marchmont s'habilla, très proprement et avec beaucoup de soin, car il était du nombre de ces hommes auxquels la pauvreté n'enlève pas leur plus noble attribut, l'individualité. Il ne faisait pas de protestations bruyantes contre les humiliations qu'il était forcé d'endurer. Il ne vantait pas son mérite. Il ne criait pas sous les toits qu'il voulait être traité en gentleman, quoique malheureux, mais par ses manières douces, peu démonstratives, il se posait en homme comme il faut bien plus efficacement que s'il eût maugréé toute la journée contre la dureté de son sort et eût cherché à se consoler par l'ivresse du tourment que lui infligeait la misère. Il n'abandonna jamais les habitudes qu'il avait eues depuis son enfance. Il était aussi propre et aussi rangé dans son appartement du deuxième étage qu'il l'avait été 8 ans auparavant à Cambridge. Il ne voulut pas reconnaître cette intimité qui existe aux yeux de la plupart des hommes entre la pauvreté et les poignées de chemise crasseux, ou encore entre la pauvreté et la bière. Il ne souffrait nullement de porter des habits râpés, mais il s'entêtait à avoir un faible pour le linge propre. Il n'adopta jamais ces habitudes de paresse et de vagabondage qui sont particulières à quelques hommes dans l'adversité. Même parmi les comparses de Drury Lane, il conserva le respect de lui-même. On lui donnait bien le sobriquet de Barking Jeremiah, mais on avait soin de ne le prononcer que lorsqu'il ne pouvait l'entendre. Il était si poli, malgré ses manières réservées, que la personne qui lui offensait volontairement eût fait preuve de plus de méchanceté que n'en possèdent généralement les sujets de Sa Majesté. Il est vrai qu'en plus d'une occasion, le grand tragédien apostropha le porteur de bannière aux jambes tremblantes et lui appliqua l'épithète de bête brute, parce qu'en toussant, il avait troublé ce personnage, mais le même grand homme donna au pauvre John Marchmont une lettre de recommandation pour un médecin distingué dans laquelle il demandait la guérison de l'affection pulmonaire. Quand bien même John Marchmont n'eût pas été poussé par ses instincts à lutter contre l'influence malsaine de la pauvreté, il l'eût vaillamment combattu pour quelqu'un qu'il aimait 10 fois plus que lui-même. S'il eût pu devenir escroc ou scélérat, ce qui pour lui était à peu près aussi facile que de se changer en un clin d'œil et sans exercice pulmonaire en un léotard ou un olmar, l'influence de sa fille l'en aurait empêché tout aussi sûrement que si les faibles bras qui l'enlaçaient tendrement eussent été des chaînes de diamants forgées par quelque enchanteur. Comment aurait-il pu ne pas écouter cette chère petite enfant qui lui avait été confiée dans le moment le plus triste de sa vie, dans le moment où sa femme poitrinaire avait succombé à la maladie et l'avait laissé seul au monde pour défendre sa fille? « Si je venais à mourir, je crois que la mère d'Arundel serait bonne pour elle », pensait John Marchmont en finissant sa toilette. « Dieu sait que je n'ai pas le droit de demander ou d'espérer rien de pareil. Mais elle sera peut-être riche par la suite et pourra leur rendre ce qu'il ferait pour elle. » Une petite main frappa légèrement à la porte de sa chambre, tandis qu'il songeait ainsi, et une voix d'enfant se fit entendre. « Puis-je entrer, papa ?» La petite fille couchait avec bien des enfants de la propriétaire dans une chambre au-dessus de celle de son père. John ouvrit la porte et la fit entrer. Le pâle soleil d'hiver, qui pénétrait par la fenêtre sans rideau près de laquelle était assis M. Marchmont, éclaira en plein la figure de l'enfant pendant qu'elle s'avançait vers lui. C'était une figure petite, pâle, avec des traits délicats, un nez droit, une bouche pensive et de grands yeux bruns songeurs. Les cheveux de l'enfant retombaient librement sur ses épaules, non pas en boucle à tire-bouchon qu'aiment tant les femmes du peuple, ni en ondulations crêpées, à la mode depuis peu dans les nurseries de Belgrave Square, mais en tresses douces et soyeuses qui ne frisaient qu'à l'extrémité. Miss Marchmont, on l'appelait toujours Miss Marchmont dans cette maison de Oakley Street, avait une robe en étoffe brune et un tablier de couleur, aussi propre que l'habit usé et le linge rapissé de son père. Elle était très jolie, très élégante, très intéressante, mais il était impossible de la regarder sans éprouver une émotion pénible, difficile à comprendre. On savait plus tard pourquoi cette petite fille vous avait émue. Elle n'avait jamais été enfant. Cette divine période d'innocence parfaite, où la douleur, le bien et le mal n'existent pas. Cette brillante saison où l'âme s'épanouit en toute liberté n'avait jamais existé pour elle. La main impitoyable de la pauvreté lui avait enlevé le don précieux déposé par Dieu dans son berceau. Et à 8 ans, elle était femme et douée des plus nobles attributs que possèdent les femmes, l'amour, la tendresse, la compassion, le dévouement, l'abnégation complète, la patience et la résignation sublime. Elle était femme par toutes ses vertus, mais elle n'était plus enfant. À 3 ans, elle avait dit adieu à l'égoïsme qui s'ignore, aux satisfactions animales de l'enfance. Elle avait appris ce que c'était que de souffrir à cause de son père et de sa mère. Dès le moment où la pitié et l'amour se furent éveillés en elle, elle ne cessa plus d'être la consolatrice du jeune marié désolé qui allait bientôt perdre sa femme. John avait été forcé de quitter son enfant pour gagner de quoi subvenir à leurs besoins à tous deux, en travaillant pour M. Lawrence Vernon, le maître de la pension aristocratique et fort chère, où Edward Arundel et Martin Mostyn avaient fait leurs études, mais il l'avait laissé entre bonnes mains, et quand le jour de son renvoi arriva, il ne fut pas aussi peiné qu'il aurait dû l'être du malheur qui le ramenait auprès de sa petite Marie. Il est impossible de dire combien il aimait cet enfant. Qu'on songe à sa pauvreté sans espoir, à sa nature réservée et sensitive, à son isolement complet, à la perte de sa femme qui avait jeté sur sa jeunesse un voile de deuil, et on comprendra peut-être cette affection morbide à force d'être vive et à quelle répondait celle qui en était l'objet. La petite fille aimait beaucoup trop son père. Quand il était avec elle, elle était contente de rester assise à côté de lui, de le regarder écrire, fière de lui aider, ne fût-ce qu'en essuyant ses plumes ou lui tendant le papier brouillard, et heureuse de le servir, d'aller au marché pour lui, de préparer ses modestes repas, de faire son thé, et de tout arranger dans sa chambre pauvrement meublée. Il causait parfois de la fortune de Lincolnshire, la fortune dont hériterait M. Marchmont, si 3 personnes, ayant chacune 3 fois plus de vitalité que John, voulaient bien déblayer le chemin et le constituer l'héritier légal en prenant avant leur temps le chemin du cimetière. Un homme plus pratique que John Marchmont se fut tenu au courant de ces 3 existences et eut cherché à savoir si le numéro 1 était poitrinaire, le numéro 2 hydropique et le numéro 3 apoplectique, mais John n'était pas capable de recourir à de semblables procédés machiavéliques. Il lui arrivait, je crois, plus d'une fois d'abréger la distance entre Oakley Street et Drury Lane en rêvant à des enfantillages que j'ai presque honte de raconter. Les 3 personnes pouvaient se trouver dans le même train express au moment d'une terrible explosion, mais la douce nature du pauvre diable reculait d'effroi devant la vision qu'il avait évoquée. Même pour sa petite Marie, il ne se sentait pas le courage de sacrifier toutes les victimes du train. Il se contentait d'emprunter de temps en temps un numéro du Times et de jeter un coup d'œil en tête de la 2e colonne avec le faible espoir d'y trouver son nom en lettres capitales, avec une annonce pourtant que s'il voulait bien s'adresser quelque part, il apprendrait quelque chose qui l'intéressait. Il se contentait de cela et de ses longues causeries sur l'avenir avec sa petite Marie au coin du feu. Il passait des heures entières dans la chambre obscure, éclairée seulement par la faible lueur d'une poignée de charbon, car les chandelles les plus communes qui valent 15 sous la livre aujourd'hui étaient plus chères encore en l'année 1838. Dieu seul peut savoir quel beau château en Espagne ces deux créatures au cœur simple bâtissaient l'une pour l'autre en face de leur foyer peu confortable. Je pense que le père était encore le plus enfant des deux, quoiqu'il prétendît ne parler de tout cela que pour amuser sa fille. Ce n'était que lorsqu'il quittait cette petite chambre et rentrait dans le monde raisonnable, dur et terre à terre, qu'il se rappelait qu'il avait été fou et qu'il était impossible, oui, impossible, que lui, l'expéditionnaire et le comparse, devint jamais le possesseur de Marchmont Towers. La pauvre petite Mary était en ceci moins pratique encore que son père. Elle continuait ses rêves dans la rue et s'illusionnait au point que Lambeth lui apparaissait radieuse. Son imagination prenait la clé des champs en face de cet avenir heureux où son père serait riche et puissant. Je regrette de dire que la plupart de ses idées de grandeur prenaient leur source dans Newcott. Elle meublait le salon de Marchmont Towers avec les beaux meubles du tapissier de cette rue. Elle couvrait de tapis de Bruxelles étincelants le parquet en chêne qui lui avait été décrit par son père. Elle suspendait des rideaux en damas satiné de couleurs éclatantes aux grandes fenêtres en œil de bœuf. Elle plaçait des vases dorés garnis de fleurs artificielles sur les hautes cheminées sculptées des antiques salles et nichait un perroquet gris en vente chez l'épicier et habitué à prononcer de vilains mots, sous la colonnade en pierre qui se trouvait au bout de l'aile occidentale. Elle choisissait les marchands qui fourniraient les objets nécessaires au château de Lincolnshire. La distance ne la gênerait en rien, pour témoigner sa gratitude et sa bienveillance. Son papa emploierait l'épicier poli qui vendait pour 1 sou de 6 belles bottes de cresson. Le bon marchand de beurre qui se donnait tant de peine pour envelopper soigneusement le livre de beurre frais à 16 sous qu'il vendait à Marie la petite dame. Le boucher attentif, qui ne coupait jamais plus que les 3/4 d'une livre sur le morceau de bœuf où il prélevait le dîner de M. Marchmont et de sa petite fille. Oui, tous ces gens-là seraient récompensés quand son papa posséderait la propriété du Lincolnshire. Miss Marchmont avait le projet de bâtir une boutique auprès de Marchmont Towers pour le boucher accommodant et d'adopter la fille aînée de l'épicier pour sa confidente et sa compagne. Bien des fois, la petite fille faillait être écrasée pendant qu'elle parcourait les rues en rêvant de la sorte. Mais la Providence veillait attentivement sur la pauvre enfant sans mère. Elle revenait toujours saine et sauve dans Oakley Street avec ses mains emplies de thé, de sucre, de beurre et de viande. Le lecteur dira peut-être que ces rêves-là, du moins, étaient des enfantillages. Mais je maintiens quand même que l'âme de Marie avait depuis longtemps dit adieu à l'enfance et que même dans ses visions, elle était femme. Car elle songeait aux autres plutôt qu'à elle-même. Il y avait dans ses rêveries beaucoup plus d'idées maternelles qu'il n'aurait dû y en avoir à l'âge qu'elle avait. Parfois aussi l'épouvante précipitait les battements de son cœur aimant quand elle entendait la toux sèche de son père, et une terrible crainte s'emparait d'elle, la crainte que John Marchmont ne vécut pas assez longtemps pour hériter du domaine du Lincolnshire. L'enfant ne disait jamais ses prières sans y ajouter une petite supplication improvisée par laquelle elle demandait que Dieu la fît mourir en même temps que son père. C'était là peut-être une prière peu chrétienne. Et un prêtre aurait pu lui apprendre que sa vie était entre les mains de la Providence, qu'il pouvait plaire à celui qui l'avait créé de la condamner à vivre seule pendant de longues années, et qu'elle n'avait pas le droit, dans son ignorance et sa faiblesse, de se révolter contre la volonté divine. Je crois que si l'archevêque de Canterbury était venu de Lambeth Palace à Oakley Street dire cela à Marie, il aurait prêché dans le désert, et l'enfant se serait endormi ce soir-là, avec la prière habituelle aux lèvres, la prière qui suppliait le Tout-Puissant, de ne briser que par la mort les liens que l'amour rendait si solides. Miss Marchmont écouta le récit de la rencontre de la soirée précédente avec grand plaisir, quoiqu'une certaine gravité fût visible sur sa figure quand elle apprit que l'écolier au cœur généreux allait venir déjeuner. Mais sa gravité était seulement celle d'une ménagère qui réfléchit, qui trace son plan, et qui, pendant que vous lui dites le nombre et le rang de vos convives, dresse le menu de son dîner, songe aux poissons de la saison, aux soupes qui doivent les précéder, et se demande ce qui va au mieux de Palestine et de julienne, ou de hare et italien. « Vous voulez un bon déjeuner, papa ?» dit-elle, quand son père eut fini de parler. « Alors il nous faut du cresson, évidemment. Et des petits pains chauds, ma chère Polly. » Arundel a toujours aimé beaucoup les petits pains chauds. « Et les petits pains chauds coûtent 7 sous, les 3 dans Newcott. » J'ai honte d'avouer que cette chère enfant parlait aussi résolument de Newcott que lui parlait de Rotten Row. « Il en restera un pour le thé, papa, car nous ne pourrons pas manger 4 petits pains. Ah, mais c'est qu'il va falloir beaucoup de beurre aussi. » La petite ménagère tira de sa poche une bourse antédiluvienne et se mit à compter son trésor. Son père lui donnait tout l'argent comme il aurait donné à sa femme. Et Mary lui fournissait les petites sommes qui lui étaient nécessaires, soit pour une once de tabac, soit pour une pinte de bière. Il n'y avait pas de journaux d'un sou à cette époque. Sans cela, Marchmont se fut régalé de temps en temps d'un numéro du télégraphe. Mary ne se permettait à elle-même qu'une extravagance. Elle lisait des romans, volumes sales, tachés, tout défaits, qu'elle louait pour un prix d'une modicité inconnue aujourd'hui dans les cabinets de lecture. Une vieille femme, au nez bourré de tabac, qui demeurait dans une petite ruelle et qui regardait l'enfant comme un phénomène d'érudition précoce. Le seul plaisir que connut la petite fille en l'absence de son père, c'était la lecture de ses pages maculées. Elle ne négligeait aucun devoir. Elle n'oubliait aucun tendre soin pour l'être aimé qui était absent. Mais quand sa petite tâche était achevée, elle trouvait délicieux de dévorer Madeleine l'abandonnée et Cosmos le pirate, et de s'égarer dans des régions sans limite peuplées de princesses en robe de satin blanc et de bandits gentilshommes qui avaient été enlevés dans les châteaux des rois leurs pères par des hordes vengeresses de bohémiennes. Dans ces années de pauvreté et d'isolement, la fille de John Marchmont amassa dans son esprit morbide à l'excès plutôt que fort un incroyable trésor de vagues sentiments poétiques dont la possession ne constituait pas précisément peut-être le meilleur des douaires pour une jeune fille qui avait devant elle le long voyage de la vie à faire. À 9h30, tous les simples préparatifs nécessaires pour la réception d'un visiteur avaient été terminés par John Marchmont et sa fille. Il ne restait plus de traces du lit de John, sauf celle laissée sur le plancher par une commode en acajou à mine suspecte, à l'endroit où avait été fait le lit. La fenêtre avait été ouverte, la chambre avait été bien aérée et époustée, un bon petit feu pétillait dans la grille reluisante, et la plus brillante des bouilloires en fer battu chantait sur la dalle du foyer. La nappe blanche était raccommodée en plusieurs endroits, mais c'était tout ce qui restait du petit trousseau avec lequel John Marchmont s'était mis en ménage, et en dépit du raccommodage, le damassé irlandais témoignait de sa bonne qualité aussi bien que le sang généreux de Marchmont pouvait attester son origine malgré l'habit râpé. Une théière en terre brune, pleine de thé très fort, une assiette de petits pains à la française, un morceau de beurre frais et une merluche frite ne constituent pas un repas très épicurien. Mais Mary Marchmont regardait ce modeste déjeuner comme quelque chose qui devait avoir du succès. Nous pourrons avoir des merluches tous les jours à Marchmont Towers, n'est-ce pas, papa ? Dit-elle naïvement. Mais la petite fille fut plus que charmée quand Edward Arundel monta 4 à 4 les marches de l'étroit escalier et se précipita dans la chambre, frais, radieux, bruyant, splendide, bien mieux vêtu que les mannequins en cire représentant sur la porte des grands magasins de confection dans Newcott de jeunes gentlemen très élégants et ne ressemblant à aucun de ces types à lèvres rouges de la mode du jour. L'écolier se montra ravi de tout. Il était venu en cabriolet, et il avait, dit-il à son hôte, un appétit d'enfer. Les petits pains et le cresson disparaissaient de son assiette comme par enchantement. La petite Mary frissonnait en voyant les larges entailles qu'il faisait aux morceaux de beurre. La merluche eut à peine quitté le grill qu'elle n'était plus. « Ceci vaut 10 fois mieux que les maigres déjeuners de ma tante Mostyn, » dit franchement le jeune gentleman. « Avec elle, on n'en a jamais assez. »« Comment, me dit-elle, vous ne prenez pas un autre œuf, Edward ?»« Et elle me le plante sur mon assiette si elle veut que je le mange. » »« Il vous faudra assister à nos déjeuners de chasse à Dangerfield Marchmont. 4 sortes de vin de Bordeaux et du vin de Moselle et du champagne à n'en plus finir. »« Vous viendrez quelques jours à Dangerfield voir ma mère, n'est-ce pas, Miss Mary ?» Il l'appelait Miss Mary et ne lui parlait qu'avec une certaine timidité. Son air sérieux lui en imposait malgré lui. Il s'imaginait qu'elle était assez âgée pour comprendre ce qu'il y avait d'humiliant dans la position de son père et pour souffrir d'être logée à un second étage sur le derrière. Il regretta tout de suite d'avoir parlé de Dangerfield. « Quel bavard je suis !» se dit-il. « J'ai toujours Dangerfield à la bouche. » Mais M. Arundel n'eut pas le loisir de demeurer longtemps dans Oakley Street, car le comparse avait à figurer dans une répétition à midi. À 11h30, John Marchmont et son élève sortirent ensemble. La petite Mary resta seule pour desservir et accomplir ses autres devoirs de ménagère. Elle avait du temps de reste pour cela. Aussi ne commença-t-elle pas tout de suite. Elle s'assit sur un tabouret près du foyer et regarda le feu d'un air rêveur. « Comme il est bon !» pensa-t-elle. « Il ressemble tout à fait à Cosmos. Seulement Cosmos était brun. Ou bien encore à Reginald Ravenscroft. Mais il était brun aussi. Pourquoi les personnages des romans sont-ils tous bruns ?» « Comme il est bon pour papa. Irons-nous jamais à Dangerfield, papa et moi ? Il est certain que je ne voudrais pas y aller sans papa. »